Chapitre 23. Le pavillon d'Angleterre. Un cri, parti de quatre poitrines, succéda au premier instant de stupeur. « Hatteras ? » dit le docteur. « Disparu, firent Johnson et Bell. Perdu !» Ils regardèrent autour d'eux. Rien n'apparaissait sur cette mer houleuse. Duke aboyait avec un accent désespéré. Il voulait se précipiter au milieu des flots et Bell parvenait à peine à le retenir. « Prenez place au gouvernail, Altamont, » dit le docteur, « et tentons tout au monde pour retrouver notre infortuné capitaine. » Johnson et Bell reprirent leur banc. Altamont saisit la barre et la chaloupe errante revint au vent. Johnson et Bell se mirent à nager vigoureusement. Pendant une heure, on ne quitta pas le lieu de la catastrophe. On chercha, mais en vain. Le malheureux Hatteras, emporté par l'ouragan, était perdu. Perdu, si près du pôle, si près de ce but qu'il n'avait fait qu'entrevoir. Le docteur appela, cria, fit feu de ses armes. Duke joignit ses lamentables aboiements à sa voix, mais rien ne répondit aux deux amis du capitaine. Alors, une profonde douleur s'empara de Clawbonny, sa tête retomba sur ses mains et ses compagnons l'entendirent pleurer. En effet, à cette distance de la terre, sans un aviron, sans un morceau de bois pour se soutenir, Hatteras ne pouvait avoir gagné vivant la côte. Et si quelque chose de lui touchait enfin cette terre désirée, ce serait son cadavre, tuméfié et meurtri. Après une heure de recherche, il fallut reprendre la route au nord et lutter contre les dernières fureurs de la tempête. À 5 heures du matin, le 11 juillet, le vent s'apaisa. La houle tomba peu à peu, le ciel reprit sa clarté polaire et, à moins de 3 miles, la terre s'offrit dans toute sa splendeur. Ce continent nouveau n'était qu'une île, ou plutôt un volcan dressé comme un phare au pôle boréal du monde. La montagne, en pleine éruption, vomissait une masse de pierres brûlantes et de quartiers de rocs incandescents. Elle semblait s'agiter sous des secousses réitérées comme une respiration de géant. Les masses projetées montaient dans les airs à une grande hauteur, au milieu des jets d'une flamme intense, et des coulées de lave se déroulaient sur ses flancs en torrents impétueux. Ici, des serpents embrasés se faufilaient entre les roches fumantes. Là, des cascades ardentes retombaient au milieu d'une vapeur pourpre. Et plus bas, un fleuve de feu formé de 1000 rivières ignées se jetait à la mer par une embouchure bouillonnante. Le volcan paraissait n'avoir qu'un cratère unique, d'où s'échappait la colonne de feu, zébrée d'éclairs transversaux. On eût dit que l'électricité jouait un rôle dans ce magnifique phénomène. Au-dessus des flammes haletantes, ondoyait un immense panache de fumée, rouge à sa base, noir à son sommet. Il s'élevait avec une incomparable majesté et se déroulait largement en épaisse volute. Le ciel, à une grande hauteur, revêtait une couleur cendrée. L'obscurité éprouvée pendant la tempête, et dont le docteur n'avait pu se rendre compte, venait évidemment des colonnes de cendres déployées devant le soleil comme un impénétrable rideau. Il se souvint alors d'un fait semblable, survenu en 1812, à l'île de la Barbade, qui, en plein midi, fut plongée dans les ténèbres profondes par la masse des cendres rejetées du cratère de l'île Saint-Vincent. Cet énorme rocher ignivome, poussé en plein océan, mesurait 1000 toises de hauteur, à peu près l'altitude de l'éclat. La ligne menée de son sommet à sa base formait avec l'horizon un angle de 11 degrés environ. Il semblait sortir peu à peu du sein des flots, à mesure que la chaloupe s'en approchait. Il ne présentait aucune trace de végétation. Le rivage même lui faisait défaut et ses flancs tombaient à pic dans la mer. « Pouvons-nous atterrir ?» dit le docteur. « Le vent nous porte, » répondit Altamont. « Mais je ne vois pas un bout de plage sur lequel nous puissions prendre pied. « Cela paraît ainsi de loin, » répondit Johnson. « Mais nous trouverons bien de quoi loger notre embarcation. C'est tout ce qu'il nous faut. »« Allons, donc. » répondit tristement Clawbonny. Le docteur n'avait plus de regard pour cet étrange continent qui se dressait devant lui. La terre du pôle était bien là, mais non l'homme qui l'avait découverte. À 500 pas des rocs, la mer bouillonnait sous l'action des feux souterrains. L'île qu'elle entourait pouvait avoir 8 à 10 miles de circonférence, pas davantage. Et, d'après l'estime, elle se trouvait très près du pôle, si même l'axe du monde n'y passait pas exactement. Aux approches de l'île, les navigateurs remarquèrent un petit fjord en miniature suffisant pour abriter leur embarcation. Ils s'y dirigèrent aussitôt, avec la crainte de trouver le corps du capitaine rejeté à la côte par la tempête. Cependant, il semblait difficile qu'un cadavre y reposât. Il n'y avait pas de plage, et la mer déferlait sur des rocs abrupts. Une cendre épaisse et vierge de toute trace humaine recouvrait leur surface au-delà de la portée des vagues. Enfin, la chaloupe se glissa par une ouverture étroite entre 2 brisants à fleur d'eau, et là, elle se trouva parfaitement abritée contre le ressac. Alors, les hurlements lamentables de Duke redoublèrent. Le pauvre animal appelait le capitaine dans son langage ému. Il redemandait à cette mer sans pitié, à ces rochers sans écho. Il aboyait en vain, et le docteur le caressait de la main sans pouvoir le calmer, quand le fidèle chien, comme s'il eût voulu remplacer son maître, fit un bond prodigieux et s'élança le premier sur les rocs, au milieu d'une poussière de cendres qui vola en nuages autour de lui. « Duke, ici, Duke !» fit le docteur. Mais Duke ne l'entendit pas et disparut. On procéda alors au débarquement. Klaoboni et ses 3 compagnons prirent terre, et la chaloupe fut solidement amarrée. Altamont se disposait à gravir un énorme amas de pierres quand les aboiements de Duke retentirent à quelque distance avec une énergie inaccoutumée. Ils exprimaient non la colère, mais la douleur. « Écoutez !» fit le docteur. « Quelque animal dépisté ?» dit le maître d'équipage. « Non, non !» répondit le docteur en tressaillant. « C'est de la plainte. Ce sont des pleurs. Le corps d'Atterras est là. » À ces paroles, les 4 hommes s'élancèrent sur les traces de Duke, au milieu des cendres qui les aveuglaient. Ils arrivèrent au fond d'un fjord, un espace de 10 pieds sur lequel les vagues venaient mourir insensiblement. Là, Duke aboyait auprès d'un cadavre enveloppé dans le pavillon d'Angleterre. « Atterras, Atterras !» s'écria le docteur en se précipitant sur le corps de son ami. Mais aussitôt, il poussa une exclamation impossible à rendre. Ce corps ensanglanté, inanimé en apparence, venait de palpiter sous sa main. « Vivant ! Vivant ! » s'écria-t-il. « Oui, » dit une voix faible, « vivant sur la terre du pôle où m'a jeté la tempête. Vivant sur l'île de la Reine. « Hurrah pour l'Angleterre !» s'écrièrent les 5 hommes d'un commun accord. « Et pour l'Amérique !» reprit le docteur en tendant une main à Atterras et l'autre à l'Américain. Duke, lui aussi, criait « Hurrah !» à sa manière, qui en valait bien une autre. Pendant les premiers instants, ces braves gens furent tout entiers au bonheur de revoir leur capitaine. Ils sentaient leurs yeux inondés de larmes. Le docteur s'assura de l'état d'Atterras. Celui-ci n'était pas grièvement blessé. Le vent l'avait porté jusqu'à la côte, où l'abordage fut fort périlleux. Le hardi marin, plusieurs fois rejeté au large, parvint enfin, à force d'énergie, à se cramponner à un morceau de roc, et il réussit à se hisser au-dessus des flots. Là, il perdit connaissance. Après s'être roulé dans son pavillon, il ne revint au sentiment que sous les caresses de Duke et au bruit de ses aboiements. Après les premiers soins, Atterras put se relever et reprendre, au bras du docteur, le chemin de la chaloupe. « le pôle Nord !» répétait-il en marchant. « Vous êtes heureux ?» lui disait le docteur. « Oui, heureux. Et vous, mon ami, ne sentez-vous pas ce bonheur, cette joie de se trouver ici ? Cette terre que nous foulons, c'est la terre du pôle. Cette mer que nous avons traversée, c'est la mer du pôle. Cet air que nous respirons, c'est l'air du pôle. Oh, le pôle Nord ! Le pôle Nord ! » En parlant ainsi, Atterras était en proie à une exaltation violente, à une sorte de fièvre, et le docteur essayait en vain de le calmer. Ses yeux brillaient d'un éclat extraordinaire et ses pensées bouillonnaient dans son cerveau. Klaoboni attribua cet état de surexcitation aux épouvantables périls que le capitaine venait de traverser. Atterras avait évidemment besoin de repos et l'on s'occupa de chercher un lieu de campement. Altamont trouva bientôt une grotte faite de rochers que leur chute avait arrangée en forme de caverne. Johnson et Bell y apportèrent les provisions et lâchèrent les chiens groenlandais. Vers 11 heures, tout fut préparé pour un repas. La toile de la tente servait de nappe, le déjeuner, composé de pemmican, de viande salée, de thé et de café, s'étalait à terre et ne demandait qu'à se laisser dévorer. Mais auparavant, Atterra s'exigea que le relevé de l'île fût fait. Il voulait savoir exactement à quoi s'en tenir sur sa position. Le docteur et Altamont prirent alors leurs instruments, et après observation, ils obtinrent pour la position précise de la grotte 89 degrés 59 minutes 15 secondes de latitude. La longitude, à cette hauteur, n'avait plus aucune importance, car tous les méridiens se confondaient à quelques centaines de pieds plus haut. Donc, en réalité, l'île se trouvait située au pôle Nord, et le 90e degré de latitude n'était qu'à 45 secondes de là, exactement à 3/4 de mile, c'est-à-dire vers le sommet du volcan. Quand Atterras connut ce résultat, il demanda qu'il fût consigné dans un procès-verbal fait en double qui devait être déposé dans un cairn sur la côte. Donc, séance tenante, le docteur prit la plume et rédigea le document suivant, dont l'un des exemplaires figure maintenant aux archives de la Société royale géographique de Londres. Ce 11 juillet 1861, par 89 degrés, 59 minutes, 15 secondes de latitude septentrionale, a été découverte l'île de la Reine, au pôle Nord, par le capitaine Atterras, commandant le brick, le Forward, de Liverpool, qui a signé ainsi que ses compagnons. Quiconque trouvera ce document est prié de le faire parvenir à l'amirauté. Signé John Atterras, commandant du Forward, Dr Claoboni, Altamont, commandant du Porpoise, Johnson, maître d'équipage, Bell, charpentier. Et maintenant, mes amis, à table, dit gaiement le docteur. Chapitre 24. Cours de cosmographie polaire. Il va sans dire que, pour se mettre à table, on s'asseyait à terre. Mais, disait Claoboni, qui ne donnerait toutes les tables et toutes les salles à manger du monde pour dîner par 89 degrés 59 minutes et 45 secondes de latitude boréale? Les pensées de chacun se rapportaient en effet à la situation présente. Les esprits étaient en proie à cette prédominante idée du pôle Nord. Dangers bravés pour l'atteindre, périls à vaincre pour en revenir, s'oubliaient dans ce succès sans précédent. Ce que ni les anciens ni les modernes, ce que ni les Européens, ni les Américains, ni les Asiatiques n'avaient pu faire jusqu'ici, venait d'être accompli. Aussi le docteur fut-il bien écouté de ses compagnons quand il raconta tout ce que sa science et son inépuisable mémoire purent lui fournir à propos de la situation actuelle. Ce fut avec un véritable enthousiasme qu'il proposa de porter tout d'abord un toast au capitaine. « À John, à Atterras, dit-il. À John, à Atterras, firent ses compagnons d'une seule voix. « Au pôle Nord, répondit le capitaine, avec un accent étrange, chez cet être jusque-là si froid, si contenu, et maintenant en proie à une impérieuse surexcitation. Les tasses choquèrent, et les toasts furent suivis de chaleureuses poignées de main. « Voilà donc, dit le docteur, le fait géographique le plus important de notre époque. Qui eût dit que cette découverte précéderait celle du centre de l'Afrique ou de l'Australie? Vraiment, Atterras, vous êtes au-dessus des Sturt et des Livingstone, des Burtons et des Barth. Honneur à vous. » « Vous avez raison, docteur, répondit Altamont. Il semble que par les difficultés de l'entreprise, le pôle Nord devait être le dernier point de la Terre à découvrir. Le jour où un gouvernement eût absolument voulu connaître le centre de l'Afrique, il y eût réussi inévitablement à prix d'hommes et d'argent. Mais ici, rien de moins certain que le succès, il pouvait se présenter des obstacles absolument infranchissables. Infranchissables ? S'écria Atterras avec véhémence. Il n'y a pas d'obstacles infranchissables, il y a des volontés plus ou moins énergiques, voilà tout. Enfin, dit Johnson, nous y sommes, c'est bien. Mais enfin, monsieur Claoboni, me direz-vous une bonne fois ce que ce pôle a de particulier ? Ce qu'il a, mon brave Johnson, il a qu'il est le seul point du globe immobile pendant que tous les autres points tournent avec une extrême rapidité. « Mais je ne m'aperçois guère, répondit Johnson, que nous soyons plus immobiles ici qu'à Liverpool. Pas plus qu'à Liverpool, vous ne vous apercevez de votre mouvement. Cela tient à ce que, dans les deux cas, vous participez vous-même à ce mouvement ou à ce repos. Mais le fait n'en est pas moins certain. La Terre est douée d'un mouvement de rotation qui s'accomplit en 24 heures. Et ce mouvement est supposé s'opérer sur un axe dont les extrémités passent au pôle Nord et au pôle Sud. Eh bien, nous sommes à l'une des extrémités de cet axe, nécessairement immobile. Ainsi, dit Bell, quand nos compatriotes tournent rapidement, nous restons en repos. À peu près, car nous ne sommes pas absolument au pôle. Vous avez raison, docteur, dit Hatteras d'un ton grave et en secouant la tête. Il s'en faut encore de 45 secondes que nous ne soyons arrivés au point précis. C'est peu de chose, répondit Altamonte, et nous pouvons nous considérer comme immobiles. Oui, reprit le docteur, tandis que les habitants de chaque point de l'équateur font 396 lieues par heure. Et cela sans être plus fatigué, fit Bell. Justement, répondit le docteur. Mais, reprit Johnson, indépendamment de ce mouvement de rotation, la Terre n'est-elle pas douée d'un autre mouvement autour du Soleil ? Oui, un mouvement de translation qu'elle accomplit en un an. Est-il plus rapide que l'autre ? Demanda Bell. Infiniment plus, et je dois dire que, quoique nous soyons au pôle, il nous entraîne comme tous les habitants de la Terre. Ainsi donc, notre prétendue immobilité n'est qu'une chimère. Immobile par rapport aux autres points du globe, oui, mais par rapport au Soleil, non. « Bon, » dit Bell, avec un accent de regret comique, « moi qui me croyais si tranquille, il faut renoncer à cette illusion. On ne peut décidément pas avoir un instant de repos en ce monde. »« Comme tu dis, Bell, » répliqua Johnson. « Et nous apprendrez-vous, monsieur Klaoboni, quelle est la vitesse de ce mouvement de translation ?»« Elle est considérable, » répondit le docteur. « La Terre marche autour du Soleil 76 fois plus vite qu'un boulet de 24, qui fait cependant 195 toises par seconde. Sa vitesse de translation est donc de 7 lieues 6 dixièmes par seconde. Vous le voyez, c'est bien autre chose que le déplacement des points de l'équateur. »« Diable !» fit Bell. « C'est à ne pas vous croire, monsieur Klaoboni. Plus de 7 lieues par seconde, et cela quand il eût été si facile de rester immobile, si Dieu l'avait voulu. » « Bon, » fit Altamonte, « y pensez-vous, Bell, alors plus de jours, plus de nuits, plus de printemps, plus d'automne, plus d'été, plus d'hiver. » « Sans compter un résultat tout simplement épouvantable, » reprit le docteur. « Et lequel donc ?» dit Johnson. « C'est que nous serions tombés sur le soleil. »« Tombés sur le soleil ?» répliqua Bell avec surprise. « Sans doute, si ce mouvement de translation venait à s'arrêter, la Terre serait précipitée sur le Soleil en 64 jours et demi. »« Une chute de 64 jours ?» répliqua Johnson. « Ni plus ni moins, » répondit le docteur, « car il y a une distance de 38 millions de lieues à parcourir. »« Quel est donc le poids du globe terrestre ?» demanda Altamonte. « Il est de 5881 quadrillions de tonneaux. »« Bon, » fit Johnson. Voilà des nombres qui ne disent rien à l'oreille. On ne les comprend plus. Aussi, mon digne Johnson, je vais vous donner deux termes de comparaison qui vous resteront dans l'esprit. Rappelez-vous qu'il faut 75 lunes pour faire le poids de la Terre et 350 000 terres pour faire le poids du Soleil. Tout cela est écrasant, fit Altamonte. Écrasant, c'est le mot, répondit le docteur. Mais je reviens au pôle. Puisque jamais leçon de cosmographie sur cette partie de la Terre n'aura été plus opportune, si toutefois cela ne vous ennuie pas. Allez, docteur, allez, fit Altamonte. Je vous ai dit, reprit le docteur, qui avait autant de plaisir à enseigner que ses compagnons en éprouvaient à s'instruire, je vous ai dit que le pôle était un point immobile par rapport aux autres points de la Terre. Eh bien, ce n'est pas tout à fait vrai. Comment ? Dit Bell. Il faut encore en rabattre ? Oui, Bell. Le pôle n'occupe pas toujours la même place exactement. Autrefois, l'étoile polaire était plus éloignée du pôle céleste qu'elle ne l'est maintenant. Notre pôle est donc doué d'un certain mouvement. Il décrit un cercle en 26 000 ans environ. Cela vient de la précession des équinoxes dont je vous parlerai tout à l'heure. Mais, dit Altamonte, ne pourrait-il se faire que le pôle se déplaçât un jour d'une plus grande quantité ? Eh, mon cher Altamonte, répondit le docteur, vous touchez à une grande question que les savants débattirent longtemps à la suite d'une singulière découverte. Laquelle donc ? Voici. En 1771, on découvrit le cadavre d'un rhinocéros sur les bords de la mer glaciale, et en 1799, celui d'un éléphant sur les côtes de la Sibérie. Comment ces quadrupèdes des pays chauds se rencontraient-ils sous une pareille latitude ? De là, étrange rumeur parmi les géologues, qui n'étaient pas aussi savants que le fut depuis un Français, M. Élie de Beaumont, lequel démontra que ces animaux vivaient sous des latitudes déjà élevées, et que les torrents et les fleuves avaient tout bonnement amené leurs cadavres là où on les avait trouvés. Mais, comme cette explication n'était pas encore émise, devinez ce qu'inventa l'imagination des savants. Les savants sont capables de tout, dit Altamonte en riant. Oui, de tout, pour expliquer un fait. Eh bien, ils supposèrent que le pôle de la Terre avait été autrefois à l'équateur, et l'équateur au pôle. Bah, comme je vous le dis, et sérieusement. Or, s'il en eût été ainsi, comme la Terre est aplatie au pôle de plus de 5 lieues, les mers transportées au nouvel équateur par la force centrifuge auraient recouvert des montagnes 2 fois hautes comme l'Himalaya. Tous les pays qui avoisinent le cercle polaire, la Suède, la Norvège, la Russie, la Sibérie, le Groenland, la Nouvelle-Bretagne, eussent été ensevelis sous 5 lieues d'eau, tandis que les régions équatoriales, rejetées au pôle, auraient formé des plateaux élevés de 5 lieues. Quel changement ! Fit Johnson. Oh, cela n'effrayait guère les savants. Et comment expliquait-il ce bouleversement ? Demanda Altamonte. Par le choc d'une comète. La comète est le Deus ex machina. Toutes les fois qu'on est embarrassé en cosmographie, on appelle une comète à son secours. C'est l'astre le plus complaisant que je connaisse. Et au moindre signe d'un savant, il se dérange pour tout arranger. Alors, dit Johnson, selon vous, monsieur Claoboni, ce bouleversement est impossible. Impossible. Et s'il arrivait ? S'il arrivait, l'équateur serait gelé en 24 heures. Bon. S'il se produisait maintenant, dit Bell, on serait capable de dire que nous ne sommes pas allés au pôle. Rassurez-vous, Bell, pour en revenir à l'immobilité de l'axe terrestre, il en résulte donc ceci, c'est que si nous étions pendant l'hiver à cette place, nous verrions les étoiles décrire un cercle parfait autour de nous. Quant au soleil, le jour de l'équinoxe du printemps, le 23 mars, il nous paraîtrait, je ne tiens pas compte de la réfraction, il nous paraîtrait exactement coupé en 2 par l'horizon et monterait peu à peu en formant des courbes très allongées. Mais ici, il y a cela de remarquable que, dès qu'il apparut, il ne se couche plus. Il reste visible pendant 6 mois, puis son disque vient raser de nouveau l'horizon à l'équinoxe d'automne, au 22 septembre, et dès qu'il s'est couché, on ne le revoit plus de tout l'hiver. Vous parliez tout à l'heure de l'aplatissement de la Terre au pôle, dit Johnson. Veuillez donc m'expliquer cela, monsieur Claoboni. Voici, Johnson. La Terre étant fluide au premier jour du monde, vous comprenez qu'alors son mouvement de rotation dut repousser une partie de sa masse mobile à l'équateur, où la force centrifuge se faisait plus vivement sentir. Si la Terre eût été immobile, elle fût restée une sphère parfaite. Mais par suite du phénomène que je viens de vous décrire, elle présente une forme ellipsoïdale, et les points du pôle sont plus rapprochés du centre que les points de l'équateur de 5 lieues un tiers environ. Ainsi, dit Johnson, si notre capitaine voulait nous emmener au centre de la Terre, nous aurions 5 lieues de moins à faire pour y arriver. Comme vous le dites, mon ami. Eh bien, capitaine, c'est autant de chemin de fait. Voilà une occasion dont il faut profiter. Atterras ne répondit pas. Évidemment, il n'était pas à la conversation, ou bien il l'écoutait sans l'entendre. « Ma foi, répondit le docteur, au dire de certains savants, ce serait peut-être le cas de tenter cette expédition. « Ah, vraiment ? » fit Johnson. « Mais laissez-moi finir, reprit le docteur. Je vous raconterai cela plus tard. Je veux vous apprendre d'abord comment l'aplatissement des pôles est la cause de la précession des équinoxes, c'est-à-dire pourquoi chaque année, l'équinoxe du printemps arrive un jour plus tôt qu'il ne le ferait si la Terre était parfaitement ronde. Cela vient tout simplement de ce que l'attraction du Soleil s'opère d'une façon différente sur la partie renflée du globe située à l'équateur, qui éprouve alors un mouvement rétrograde. Subséquemment, c'est ce qui déplace un peu ce pôle, comme je vous l'ai dit plus haut, mais, Indépendamment de cet effet, l'aplatissement devrait en avoir un plus curieux et plus personnel, dont nous nous apercevrions si nous étions doués d'une sensibilité mathématique. « Que voulez-vous dire ? » demanda Bell. « C'est que nous sommes plus lourds, ici, qu'à Liverpool. »« Plus lourds ? » ?»« Oui, nous, nos chiens, nos fusils, nos instruments. » »« Est-il possible ? » ?»« Certes, et par deux raisons. La première, c'est que nous sommes plus rapprochés du centre du globe, qui par conséquent nous attire davantage. Or, cette force attractive n'est autre chose que la pesanteur. La seconde, c'est que la force de rotation, nulle au pôle, étant très marquée à l'équateur, les objets ont là une tendance à s'écarter de la Terre. Ils y sont donc moins pesants. « Comment ? » dit Johnson. « Sérieusement, nous n'avons donc pas le même poids en tout lieu ?»« Non, Johnson. Suivant la loi de Newton, les corps s'attirent en raison directe des masses et en raison inverse du carré des distances. Ici, je pèse plus parce que je suis plus près du centre d'attraction. Et sur une autre planète, je pèserai plus ou moins suivant la masse de la planète. Quoi ? Fit Bell. Dans la Lune ? Dans la Lune, mon poids, qui est de 200 livres à Liverpool, ne serait plus que de 32. Et dans le Soleil ? Oh, dans le Soleil, je pèserai plus de 5000 livres. Grand Dieu ! Fit Bell. Il faudrait un cric alors pour soulever vos jambes. Probablement, répondit le docteur en riant de l'ébahissement de Bell. Mais ici la différence n'est pas sensible. Et en déployant un effort égal des muscles du jarret, Bell sautera aussi haut que sur les quais de la Mersey. Oui, mais dans le soleil, répétait Bell qui n'en revenait pas. Mon ami, lui répondit le docteur, la conséquence de tout ceci est que nous sommes bien où nous sommes et qu'il est inutile de courir ailleurs. « Vous disiez tout à l'heure, reprit Altamonte, que ce serait peut-être le cas de tenter une excursion au centre de la Terre. Est-ce qu'on n'a jamais pensé à entreprendre un pareil voyage ?»« Oui, et cela termine ce que j'ai à vous dire relativement au pôle. Il n'y a pas de point du monde qui ait donné lieu à plus d'hypothèses et de chimères. Les anciens, fort ignorants en cosmographie, y plaçaient le jardin des Hespérides. Au Moyen-Âge, on supposa que la Terre était supportée par des tourillons placés au pôle sur lesquels elle tournait. Mais quand on vit les comètes se mouvoir librement dans les régions circumpolaires, il fallut renoncer à ce genre de support. Plus tard, il se rencontra un astronome français, Bailly, qui soutint que le peuple policé et perdu dont parle Platon, les Atlantides, vivait ici même. Enfin, de nos jours, on a prétendu qu'il existait au pôle une immense ouverture, d'où se dégageait la lumière des aurores boréales, et par laquelle on pourrait pénétrer dans l'intérieur du globe. Puis, dans la sphère creuse, on imagina l'existence de deux planètes, Pluton et Proserpine, et un air lumineux par suite de la forte pression qu'il éprouvait. « On a dit tout cela ? » demanda Altamonte. « Et on l'a écrit, et très sérieusement. Le capitaine Sidness, un de nos compatriotes, proposa à Humphrey Davy, Humboldt et Arago de tenter le voyage, mais ces savants refusèrent. Et ils firent bien. Je le crois. Quoi qu'il en soit, vous voyez, mes amis, que l'imagination s'est donnée libre carrière à l'endroit du pôle, et qu'il faut tôt ou tard en revenir à la simple réalité. D'ailleurs, nous verrons bien, dit Johnson, qui n'abandonnait pas son idée. Alors, à demain, les excursions, dit le docteur, souriant de voir le vieux marin peu convaincu. Et s'il y a une ouverture particulière pour aller au centre de la Terre, nous irons ensemble. Chapitre 25. Le mont Hatteras. Après cette conversation substantielle, chacun, s'arrangeant de son mieux dans la grotte, y trouva le sommeil. Chacun sauf Hatteras. Pourquoi cet homme extraordinaire ne dormit-il pas ? Le but de sa vie n'était-il pas atteint ? N'avait-il pas accompli les hardis projets qui lui tenaient au cœur ? Pourquoi le calme ne succédait-il pas à l'agitation dans cette âme ardente ? Ne devait-on pas croire que ses projets accomplis, Hatteras retomberait dans une sorte d'abattement et que ses nerfs détendus aspireraient au repos ? Après le succès, il semblait même naturel qu'il fût pris de ce sentiment de tristesse qui suit toujours les désirs satisfaits. Mais non, il se montrait plus surexcité. Ce n'était cependant pas la pensée du retour qui l'agitait ainsi. Voulait-il aller plus loin encore ? Son ambition de voyageur n'avait-elle donc aucune limite ? et trouvait-il le monde trop petit parce qu'il en avait fait le tour. Quoi qu'il en soit, il ne put dormir. Et cependant, cette première nuit passée au pôle du monde fut pure et tranquille. L'île était absolument inhabitée. Pas un oiseau dans son atmosphère enflammée, pas un animal sur son sol de cendres, pas un poisson sous ses eaux bouillonnantes, seulement au loin les sourds ronflements de la montagne à la tête de laquelle s'échevelaient des panaches de fumée incandescente. Lorsque Bell, Johnson, Altamont et le docteur se réveillèrent, ils ne trouvèrent plus Hatteras auprès d'eux. Inquiets, ils quittèrent la grotte et ils aperçurent le capitaine debout sur un roc. Son regard demeurait invariablement fixé sur le sommet du volcan. Il tenait à la main ses instruments. Il venait évidemment de faire le relevé exact de la montagne. Le docteur alla vers lui et lui adressa plusieurs fois la parole avant de le tirer de sa contemplation. Enfin, le capitaine parut le comprendre. « En route, » lui dit le docteur, qu'il examinait d'un œil attentif. « En route, allons faire le tour de notre île. Nous voilà prêts pour notre dernière excursion. » « La dernière, » fit Hatteras, avec cette intonation de la voix des gens qui rêvent tout haut. « Oui, la dernière, en effet. Mais aussi, » reprit-il avec une grande animation, « la plus merveilleuse. » Il parlait ainsi en passant ses deux mains sur son front pour en calmer les bouillonnements intérieurs. En ce moment, Altamont, Johnson et Bell le rejoignirent. Hatteras parut alors sortir de son état d'hallucination. « Mes amis, » dit-il d'une voix émue, « merci pour votre courage, merci pour votre persévérance, merci pour vos efforts surhumains qui nous ont permis de mettre le pied sur cette terre. « Capitaine, » dit Johnson, « nous n'avons fait qu'obéir, et c'est à vous seul qu'en revient l'honneur. » « Non, non, » reprit Hatteras avec une violente effusion, « à vous tous, comme à moi, à Altamont, comme à nous tous, comme au docteur lui-même. Oh, laissez mon cœur faire explosion entre vos mains. Il ne peut plus contenir sa joie et sa reconnaissance. » Hatteras serrait dans ses mains celle des braves compagnons qui l'entouraient. Il allait, il venait, il n'était plus maître de lui. « Nous n'avons fait que notre devoir d'anglais, » disait Bell. « Notre devoir d'ami, » répondit le docteur. « Oui, » reprit Hatteras, « mais ce devoir, tous n'ont pas su le remplir. Quelques-uns ont succombé. Pourtant, il faut leur pardonner, à ceux qui ont trahi comme à ceux qui se sont laissés entraîner à la trahison. Pauvres gens, je leur pardonne. Vous m'entendez, docteur ?»« Oui, » répondit le docteur, que l'exaltation d'Hatteras inquiétait sérieusement. « Aussi, » reprit le capitaine, « je ne veux pas que cette petite fortune qu'ils étaient venus chercher si loin, ils la perdent. Non, rien ne sera changé à mes dispositions, et ils seront riches s'ils revoient jamais l'Angleterre. » Il eût été difficile de ne pas être ému de l'accent avec lequel Hatteras prononça ces paroles. « Mais, capitaine, » dit Johnson en essayant de plaisanter, « on dirait que vous faites votre testament. »« Peut-être, » répondit gravement Hatteras. « Cependant, vous avez devant vous une belle et longue existence de gloire, » reprit le vieux marin. « Qui sait ?» fit Hatteras. Ces mots furent suivis d'un assez long silence. Le docteur n'osait interpréter le sens de ces dernières paroles. Mais Hatteras se fit bientôt comprendre, car d'une voix précipitée qu'il contenait à peine, il reprit « Mes amis, écoutez-moi, nous avons fait beaucoup jusqu'ici, et cependant, il reste beaucoup à faire. » Les compagnons du capitaine se regardèrent avec un profond étonnement. « Oui, nous sommes à la terre du pôle, mais nous ne sommes pas au pôle même. » « Comment cela ?» fit Altamont. « Par exemple, » s'écria le docteur, qui craignait de deviner. « Oui, » reprit Hatteras avec force, « j'ai dit qu'un Anglais mettrait le pied sur le pôle du monde. Je l'ai dit, et un Anglais le fera. »« Quoi ?» répondit le docteur. « Nous sommes encore à 45 secondes du point inconnu, » reprit Hatteras avec une animation croissante. « Et là où il est, j'irai. »« Mais c'est le sommet de ce volcan, » dit le docteur. « J'irai. » « C'est un cône inaccessible, j'irai. C'est un cratère béant, enflammé, j'irai. » L'énergique conviction avec laquelle Hatteras prononça ces derniers mots ne peut se rendre. Ses amis étaient stupéfaits. Ils regardaient avec terreur la montagne qui balançait dans l'air son panache de flammes. Le docteur reprit alors la parole. Il insista, il pressa Hatteras de renoncer à son projet et il dit tout ce que son cœur put imaginer, depuis l'humble prière jusqu'aux menaces amicales, mais il n'obtint rien sur l'âme nerveuse du capitaine, pris d'une sorte de folie qu'on pourrait nommer la folie polaire. Il n'y avait plus que les moyens violents pour arrêter cet insensé qui courait à sa perte. Mais, prévoyant qu'ils amèneraient des désordres graves, le docteur ne voulut les employer qu'à la dernière extrémité. Il espérait d'ailleurs que ces impossibilités physiques, des obstacles infranchissables, arrêteraient à Terras dans l'exécution de son projet. « Puisqu'il en est ainsi, dit-il, nous vous suivrons. »« Oui, répondit le capitaine, jusqu'à mi-côte de la montagne, pas plus loin. Ne faut-il pas que vous rapportiez en Angleterre le double du procès-verbal qui atteste notre découverte si... »« Pourtant, c'est décidé, répondit à Terras d'un ton inébranlable. Et puisque les prières de l'ami ne suffisent pas, le capitaine commande. » Le docteur ne voulut pas insister plus longtemps, et quelques instants après, la petite troupe, équipée pour une ascension difficile et précédée de Duke, se mit en marche. Le ciel resplendissait. Le thermomètre marquait 52 degrés, plus 11 degrés centigrades. L'atmosphère s'imprégnait largement de la clarté particulière à ce haut degré de latitude. Il était 8 heures du matin. Atterras prit les devants avec son brave chien. Bell et Altamont, le docteur et Johnson, le suivirent de près. « J'ai peur, » dit Johnson. « Non, non, il n'y a rien à craindre, » répondit le docteur. « Nous sommes là. » Quel singulier îlot, et comment rendre sa physionomie particulière, qui était l'imprévu, la nouveauté, la jeunesse. Ce volcan ne paraissait pas vieux, et des géologues auraient pu indiquer une date récente à sa formation. Les rochers, cramponnés les uns aux autres, ne se maintenaient que par un miracle d'équilibre. La montagne n'était, à vrai dire, qu'un amoncellement de pierres tombées de haut. Pas de terre, pas la moindre mousse, pas le plus maigre lichen, pas de traces de végétation. L'acide carbonique, vomi par le cratère, n'avait encore eu le temps de s'unir ni à l'hydrogène de l'eau, ni à l'ammoniac des nuages, pour former sous l'action de la lumière les matières organisées. Cette île perdue en mer n'était due qu'à l'agrégation successive des déjections volcaniques. C'est ainsi que plusieurs montagnes du globe se sont formées. Ce qu'elles ont rejeté de leur sein a suffi à les construire. Telle l'Etna, qui a déjà vomi un volume de lave plus considérable que sa masse elle-même. Telle encore le Monte Nuovo, près de Naples, engendré par des scories dans le court espace de 48 heures. Cet amas de roches dont se composait l'île de la Reine était évidemment sorti des entrailles de la terre. Il avait au plus haut degré le caractère plutonien. À sa place s'étendait autrefois la mer immense, formée dès les premiers jours par la condensation des vapeurs d'eau sur le globe refroidi. Mais, à mesure que les volcans de l'Ancien et de Nouveau Monde s'éteignirent, ou, pour mieux dire, se bouchèrent, ils durent être remplacés par de nouveaux cratères ignivomes. En effet, on peut assimiler la Terre à une vaste chaudière sphéréoïdale. Là, sous l'influence du feu central, s'engendrent des quantités immenses de vapeurs emmagasinées à une tension de milliers d'atmosphères et qui feraient sauter le globe sans les soupapes de sûreté ménagées à l'extérieur. Ces soupapes sont les volcans. Quand l'une se ferme, l'autre s'ouvre. Et à l'endroit des pôles, où sans doute par suite de l'aplatissement, l'écorce terrestre est moins épaisse, il n'est pas étonnant qu'un volcan se soit inopinément formé par le soulèvement du massif au-dessus des flots. Le docteur, tout en suivant Atterras, remarquait ces étranges particularités. Son pied foulait un tuf volcanique et des dépôts ponceux faits de scories, de cendres, de roches éruptives, semblables aux syénites et aux granites de l'Islande. Mais s'il attribuait à l'îlot une origine presque moderne, c'est que le terrain sédimentaire n'avait pas encore eu le temps de s'y former. L'eau manquait aussi. Si l'île de la Reine eût compté plusieurs siècles d'existence, des sources thermales auraient jailli de son sein, comme aux environs des volcans. Or, non seulement on n'y trouvait pas une molécule liquide, mais les vapeurs qui s'élevaient des ruisseaux de lave semblaient être absolument anhydres. Ainsi, cette île était de formation récente. Et telle elle apparut un jour, telle elle pouvait disparaître un autre et s'immerger de nouveau au fond de l'océan. À mesure que l'on s'élevait, l'ascension devenait de plus en plus difficile. Les flancs de la montagne se rapprochaient de la perpendiculaire, et il fallait prendre de grandes précautions pour éviter les éboulements. Souvent, des colonnes de cendres se tordaient autour des voyageurs et menaçaient de les asphyxier, ou des torrents de lave leur barraient le passage. Sur quelques surfaces horizontales, les ruisseaux refroidis et solidifiés à la partie supérieure laissaient sous leur croûte durcie la lave s'écouler en bouillonnant. Chacun devait donc sonder pour éviter d'être plongé tout à coup dans ces matières en fusion. De temps en temps, le cratère vomissait des quartiers de roches rougies au sein des gaz enflammés. Quelques-unes de ces masses éclataient dans l'air comme des bombes, et leurs débris se dispersaient dans toutes les directions à d'énormes distances. On conçoit de quels dangers innombrables cette ascension de la montagne était entourée, et combien il fallait être fou pour la tenter. Cependant, Atéras montait avec une agilité surprenante, et dédaignant le secours de son bâton ferré, il gravissait sans hésiter les pentes les plus raides. Il arriva bientôt à un rocher circulaire, sorte de plateau de 10 pieds de largeur environ. Un fleuve incandescent l'entourait, après s'être bifurqué à l'arête d'un roc supérieur, et ne laissait qu'un passage étroit par lequel Atéras se glissa audacieusement. Là, il s'arrêta, et ses compagnons purent le rejoindre. Alors, il sembla mesurer du regard l'intervalle qui lui restait à franchir. Horizontalement, il ne se trouvait pas à plus de 100 toises du cratère, c'est-à-dire du point mathématique du pôle. Mais verticalement, c'était encore plus de 1500 pieds à gravir. L'ascension durait déjà depuis 3 heures. Atéras ne semblait pas fatigué. Ses compagnons se trouvaient au bout de leurs forces. Le sommet du volcan paraissait être inaccessible. Le docteur résolut d'empêcher à tout prix Atéras de s'élever plus haut. Il essaya d'abord de le prendre par la douceur, mais l'exaltation du capitaine allait jusqu'au délire. Pendant la route, il avait donné tous les signes d'une folie croissante, et qui l'a connu, qui l'a suivi dans les phases diverses de son existence, ne peut en être surpris. À mesure qu'Atéras s'élevait au-dessus de l'océan, sa surexcitation s'accroissait. Il ne vivait plus dans la région des hommes. Il croyait grandir avec la montagne elle-même. « Atéras, lui dit le docteur, assez, nous n'en pouvons plus. »« Demeurez donc, répondit le capitaine d'une voix étrange, j'irai plus haut. »« Non, ce que vous faites est inutile, vous êtes ici, au pôle du monde. »« Non, non, plus haut. »« Mon ami, c'est moi qui vous parle, le docteur Klaoboni, ne me reconnaissez-vous pas ?»« plus haut, répétait l'insensé. »« Eh bien non, nous ne souffrirons pas. » Le docteur n'avait pas achevé ces mots qu'Atéras, par un effort surhumain, franchit le fleuve de lave et se trouva hors de la portée de ses compagnons. Ceux-ci poussèrent un cri, ils croyaient Atéras abîmé dans le torrent de feu. Mais le capitaine était retombé de l'autre côté, suivi par son chien Duke, qui ne voulait pas le quitter. Il disparut derrière un rideau de fumée et l'on entendit sa voix qui décroissait dans l'éloignement. « au nord !» criait-il, « au sommet du mont Atéras ! Souvenez-vous du mont Atéras !» On ne pouvait songer à rejoindre le capitaine. Il y avait 20 chances pour rester là où il avait passé avec ce bonheur et cette adresse particulière au fou. Il était impossible de franchir ce torrent de feu, impossible également de le tourner. Altamont tenta vainement de passer. Il faillit périr en voulant traverser le fleuve de lave. Ses compagnons durent le retenir malgré lui. « Atéras ! Atéras ! » s'écriait le docteur. Mais le capitaine ne répondit pas, et les aboiements à peine distincts de Duke retentirent seuls dans la montagne. Cependant, Atéras se laissait voir par intervalles à travers les colonnes de fumée et sous les pluies de cendres. Tantôt son bras, tantôt sa tête sortaient du tourbillon. Puis il disparaissait et se montrait plus haut, accroché au roc. Sa taille diminuait avec cette rapidité fantastique des objets qui s'élèvent dans l'air. Une demi-heure après, il semblait déjà rapetisser de moitié. L'atmosphère s'emplissait des bruits sourds du volcan. La montagne résonnait et ronflait comme une chaudière bouillante. On sentait ses flancs frissonner. Atéras montait toujours. Duke le suivait. De temps en temps, un éboulement se produisait derrière eux, et quelques rocs énormes, pris d'une vitesse croissante et rebondissant sur les crêtes, allaient s'engouffrer jusqu'au fond du bassin polaire. Atéras ne se retournait même pas. Il s'était servi de son bâton comme d'une hampe pour y attacher le pavillon anglais. Ses compagnons épouvantés ne perdaient pas un de ses mouvements. Ses dimensions devenaient peu à peu microscopiques, et Duke paraissait réduit à la taille d'un gros rat. Il y eut un moment où le vent rabattit sur eux un vaste rideau de flammes. Le docteur poussa un cri d'angoisse, mais Atéras réapparut, debout, agitant son drapeau. Le spectacle de cette effrayante ascension dura plus d'une heure. Une heure de lutte avec les rocs vacillants, avec les fondrières de cendres dans lesquelles ce héros de l'impossible disparaissait jusqu'à mi-corps. Tantôt, il se hissait, en s'arc-boutant des genoux et des reins contre les infractuosités de la montagne. Et tantôt, suspendu par les mains à quelque arête vive, il oscillait au vent comme une touffe desséchée. Enfin, il arriva au sommet du volcan, à l'orifice même du cratère. Le docteur eut alors l'espoir que le malheureux, parvenu à son but, en reviendrait peut-être, et n'aurait plus que les dangers du retour à subir. Il poussa un dernier cri « À terrasse ! À terrasse !» L'appel du docteur fut tel qu'il remua l'Américain jusqu'au fond de l'âme. « Je le sauverai !» s'écria Altamonte. Puis d'un bond, franchissant le torrent de feu, au risque d'y tomber, il disparut au milieu des roches. Cléobony n'avait pas eu le temps de l'arrêter. Cependant, à terrasse, parvenu à la cime de la montagne, s'avançait au-dessus du gouffre, sur un roc qui surplombait. Les pierres pleuvaient autour de lui. Duke le suivait toujours. Le pauvre animal semblait déjà saisi par l'attraction vertigineuse de l'abîme. À terrasse agitait son pavillon qui s'éclairait de reflets incandescents, et le fond rouge de l'étamine se développait en longs plis au souffle du cratère. À terrasse le balançait d'une main, de l'autre il montrait au zénith le pôle de la sphère céleste. Cependant, il semblait hésiter, il cherchait encore le point mathématique où se réunissent tous les méridiens du globe, et sur lequel, dans son entêtement sublime, il voulait poser le pied. Tout d'un coup, le rocher manqua sous lui, il disparut. Un cri terrible de ses compagnons monta jusqu'au sommet de la montagne. Une seconde, un siècle, s'écoula. Cléobony crut son ami perdu et enseveli à jamais dans les profondeurs du volcan. Mais Altamonte était là, Duke aussi. L'homme et le chien avaient saisi le malheureux au moment où il disparaissait dans l'abîme. Atera s'était sauvé, sauvé malgré lui. Et, une demi-heure plus tard, le capitaine du Forward, privé de tout sentiment, reposait entre les bras de ses compagnons désespérés. Quand il revint à lui, le docteur interrogea son regard dans une muette angoisse. Mais ce regard inconscient, comme celui de l'aveugle qui regarde sans voir, ne lui répondit pas. « Grand Dieu, dit Johnson, il est aveugle. »« Non, répondit Cléobony, non, mes pauvres amis, nous n'avons sauvé que le corps d'Atéras. Son âme est restée au sommet de ce volcan. Sa raison est morte. »« Fou !» s'écrièrent Johnson et Altamonte, consternés. « Fou !» répondit le docteur, et de grosses larmes coulèrent de ses yeux.